Je vais faire un petit discours sur les mots. C'est très important de comprendre les mots. Les mots sont une façon de cacher l'énergie. Les mots doivent être une façon de libérer l'énergie. Donc, les mots sont une façon de cacher l'énergie. Exemple, la philosophie. Les mots dans l'évolution seront une manière de libérer l'énergie. Comment l'homme va faire? Si vous aimez les mots parce qu'ils vous plaisent, ils cachent l'énergie. Si vous aimez les mots parce qu'ils sont beaux, ils cachent l'énergie. Si vous aimez les mots parce qu'ils vous rassurent, ils cachent l'énergie. Si vous aimez les mots parce qu'ils sont près du sacré, ils cachent l'énergie. Les mots sont des architectures qui doivent être dévalisées pour que l'énergie sorte. L'évolution, la civilisation, les philosophies, les systèmes de pensée, les religions qui ont été à la base de l'évolution ont utilisé les mots pour garantir à l'homme qu'il était sur le droit chemin. Et l'homme s'est aperçu qu'il a toujours été dans une forme d'erreur. Intéressant. Quand vous utilisez les mots, utilisez pas en tant qu'ego, mais utilisez-les en tant que grand moi. Ils ne doivent pas vous appartenir. S'ils vous appartiennent, ils font partie de l'ego. S'ils ne vous appartiennent pas, ils font partie du grand moi. S'ils ne vous appartiennent pas, vous pourrez construire un pont. S'ils vous appartiennent, vous ne pourrez pas construire de pont. Chaque mot doit avoir des ailes. Les ailes des mots, ce sont les vibrations. Ce ne sont pas les formes. Ils disent, les mots deviennent essence seulement si l'homme est conscient de nous. Les mots deviennent essence, donc, paroles, comme les initiés parlent, seulement si les hommes sont conscients de nous. Si les hommes ne sont pas conscients de nous, les mots deviennent une projection de leur personnalité. Vous ne pouvez pas construire de pont avec la personnalité. Quand un homme parle, il n'est pas supposé d'être là où il parle. S'il est dans le centre de ce qu'il dit, il est dans la personnalité des mots. Il ne crée pas de pont. Il prend notre place, ils disent. Très intéressant, les mots. Les mots sont la substance même de la conscience mentale. Mais ils peuvent être utilisés par toutes les forces dans l'univers, les bonnes et les mauvaises. Donc, qui détermine si les mots sont bons? Ce Seulement l'homme qui veut protéger les hommes de son intelligence, de la domination de son intelligence. Si vous ne protégez pas les hommes de la domination de votre intelligence, les mots ne font pas partie des forces créatives universelles. Si vous protégez les hommes de votre intelligence, de la puissance de votre intelligence, à ce moment-là, les mots ont des ailes. Les hommes deviennent libres. Tout concert de mots doit mener à la liberté. Et non pas à la confrérie de ceux qui pensent pareil. L'homme, oh, je l'ai perdu. L'homme qui crée des mots sur le sentier de sa conscience n'a plus le besoin de savoir. Il n'y a plus besoin de savoir. Savoir, ça fait partie de sa vie. Ça ne fait plus partie des besoins de l'ego. Donc, ça donne les ailes aux mots. L'énergie est libérée. S'il dit, si l'énergie n'est pas libérée dans les mots, ça sert à quoi de savoir? Ça nous rend prisonniers. C'est l'évolution. Ça nous a servi à quoi? Les religions nous rendent prisonniers. Ça nous a servi à quoi? Les idéologies politiques à nous rendre prisonniers. Il dit un mot qui n'est pas libre de sortir de la bouche de l'homme sans être contrôlé, ne fait pas partie de sa conscience créative, il fait partie de la mémoire de la race. Il dit, c'est pour la raison pour laquelle les initiés ne peuvent pas utiliser les mots au large dans le monde, parce qu'ils fractureraient les structures. Donc, les mots sont pour l'homme, sont pour l'individu, sont pour la libération de l'homme. Les mots avec des ailes, les mots qui libèrent l'énergie, servent à libérer l'homme. Les mots, les autres mots, servent à l'encapsuler et ça fait partie des modes de la civilisation, de ce que vous appelez la connaissance. Ils disent, la conscience des mots, c'est la conscience de nous. Ils disent, sans mots, nous ne sommes pas dans votre conscience. Nous ne sommes pas présents dans votre conscience. Mais si les mots n'ont pas d'ailes, vous ne pouvez pas nous trouver. Si vous ne pouvez pas nous trouver, vous êtes seul. Si vous nous trouvez, on est là. L'homme est libre. C'est dans la science de l'âme que l'homme découvrira le pouvoir des mots. C'est dans la science de l'âme que l'homme découvrira qu'il n'est jamais seul. À partir du moment où vous pensez que vous êtes seul, vous pensez que vous êtes intelligent seul, ça peut être dangereux. Quand on est là, vous ne pouvez pas penser que vous êtes intelligent seul, vous n'êtes plus dangereux. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire par ça, là, mais je vais vous le dire pareil, puis j'irai. Ils disent que les mots sont la conscience des états. Sans mots dans la conscience de l'homme, il n'y a pas d'état. Et un état, c'est un niveau quelconque de présence d'esprit. Si l'état est très grand, la présence d'esprit est très grande, les mots sont très présents. Les mots ont toujours le pouvoir de libérer l'énergie, donc de créer de nouvelles architectures dans la mesure où l'homme est libre. Est libre. S'il n'est pas libre, il n'a pas ce pouvoir. Vous pensez que les mots vous appartiennent parce qu'ils n'ont pas d'ailes. S'ils avaient des ailes, vous sauriez qu'ils ne vous appartiennent pas. On appelle ça fusion, unification. Les mots sont dangereux parce qu'ils appartiennent à toutes les dominations. Toutes les dominations peuvent les étudier, les utiliser et les exercer. L'homme doit être libre des dominations afin que les mots rendent son frère libre. Il dit, c'est la raison pour laquelle vous devez vous méfier de tout ce qui semble être intelligent. À moins que vous ne le sachiez vous-même. Ils disent que c'est la raison pourquoi ils ont dit que l'homme, en évolution de conscience, au début de sa vie, de sa conscience, doit en arriver à ne pas croire. Parce qu'il y aura toujours des gens plus avancés que vous, qui utiliseront les mots, si vous les croyez, vous deviendrez dominés, parce qu'ils seront déjà de grands maîtres de la parole. C'est l'histoire de l'évolution. Donc, protection numéro un pour l'homme, ne pas croire. Avec le temps, l'homme saura, quand il entendra des mots, il saura s'ils ont des ailes ou non. Ce qui veut dire que les hommes comprendront la même chose. Quand deux hommes comprennent la même chose, il n'y a plus d'inimité entre eux. C'est très important pour l'homme d'étudier tout. L'homme doit étudier tout. Tout veut dire quoi? Tout veut dire tout ce qui vient à son esprit et le dérange. Si quelque chose vient à son esprit, il doit l'étudier. Si rien vient à son esprit, il n'y a rien à étudier. Quand quelque chose vient à son esprit, il doit savoir, et qui le dérange, il doit savoir l'arranger. Il a les mots. Il a la pensée télépathique. Il a la pensée intérieure. Il a le pont. Il est seul. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui. Il crée les mots. Il engendre les architectures. Il évolue, sa conscience grandit, elle se diffuse, elle libère. Et l'homme devient unique. Unique veut dire quoi? Unique veut dire qu'il n'y a plus de représentation de lui parce qu'il n'y a plus de mémoire de la race. Lui, il pense de manière créative, l'autre pense de manière créative, l'autre pense de manière créative, tous les hommes individués pensent de manière créative et toutes ces facettes individuelles de ces âmes mises en vibration qui ont un niveau d'évolution particulier à elles-mêmes font partie de ce qu'on appelle la grande lumière universelle. C'est à ce moment-là que l'homme comprend ce que veut dire l'universalité. Il ne s'agit pas pour l'homme de se croire grand. Il ne s'agit pas pour l'homme de se croire saint. Il ne s'agit pas pour l'homme de se croire bon. De se croire intelligent. Il s'agit pour l'homme d'être en dehors de la forme. Ce sont les mots qui ont des ailes. Et à ce moment-là, l'homme crée son sentier, il crée son pont. Les hommes créent leur pont et tous ces ponts se rejoignent dans d'autres dimensions et un jour, les hommes pourront s'éveiller en conscience morontielle et continuer l'évolution systémique locale. Il dit, penser, c'est fini quand l'homme devient conscient de nous. Parce qu'il n'a plus besoin de la lourdeur des mots. Penser, c'est lourd. Créer, c'est léger. Les mots ont la vibration de l'esprit qui connecte avec l'âme. Sinon, ils ont la vibration de l'âme disconnectée de l'esprit. Que les gens appellent la connaissance. Oui. Créer, c'est léger parce que vous n'avez pas de responsabilité. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de responsabilité dans le processus créatif. Il se contient par lui-même. Donc, l'ego n'est pas impliqué. Il est simplement un canal. Donc, ça devient léger. Ça revient à quoi? À la crainte. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'on est empêché de ils disent que l'homme est empêché de créer parce que leur présence n'est pas assez grande. Donc, pourquoi la présence n'est pas assez grande? Mais ça dépend de chaque individu. Ça fait partie de l'évolution, ça aussi. Avec l'évolution, la présence chez l'homme sera de plus en plus grande, ainsi de suite. Parce que quand on parle d'évolution, faut parler de... C'est long, l'évolution. Mais ce qui est intéressant quand on parle de l'évolution aujourd'hui, c'est que maintenant, on commence à avoir accès à une télépathie, au moins. Alors qu'avant, on n'avait pas. Donc, dans une vie, on peut en arriver à stabiliser nos énergies au niveau des plans, et ainsi de suite. Donc, ça nous donne une identité. Il dit, les gens très intelligents doivent se méfier de l'être. Parce que de la grande intelligence, dans le sens évolutif du terme, c'est une grande facilité de manipulation des mots. Regardez un avocat. Pour qu'un avocat soit grand avocat, il faut qu'il ait une grande manipulation des mots. Ça ne veut pas dire qu'il sera un avocat créatif. Mais il apparaîtra dans sa jurisprudence, dans son travail, comme un grand avocat, parce qu'il pourra manipuler les mots. Il gagnera son cas. Il pourra facilement libérer le criminel. Les mots ont été utilisés pendant l'évolution pour que l'homme développe la conscience de l'ego. Très bien, pas de problème. Mais dans ce processus-là, la connexion avec nous était coupée. Dans l'évolution, l'homme retournera à la source. Les mots seront réinventés. Autrement dit, l'énergie du mot sera libérée. Donc, si on parle de Dieu, l'énergie du mot « Dieu » sera libérée pour que l'homme développe une nouvelle architecture. Pour comprendre une autre infinité, une autre relation entre l'énergie et l'espace, une autre relation entre le temps et l'espace. Découvrir de nouveaux multiples de temps. Il n'y a pas simplement un temps. Il y a d'autres temps. Si l'homme n'est pas libre des mots, et si l'homme n'est pas capable de faire éclater le plus grand des mots, qui est le mot utilisé pendant l'évolution pour la définition ou pour l'appellation de son Dieu, il ne peut pas donner aux ailes, les ailes aux mots. Il est encore un être de l'évolution, il est encore un produit de la religion, il est encore un produit de la philosophie, il fait partie de l'âme incarnée, il ne fait pas partie de l'âme libérée. Donc, en lui, il continue à s'exercer, c'est-à-dire la crainte. Pourquoi? Parce que la crainte, c'est l'incompréhension de la totalité de ce qui se passe en dehors de la matière. Donc la crainte, c'est l'incompréhension de ce que vous appelez Dieu. Si l'homme avait une compréhension des plans, de la vie, de ses contacts astraux, mentaux, de sa moralité, de son identité, si l'homme pouvait répondre instantanément à toutes les questions qui viennent à son esprit lorsqu'il est en opposition existentielle, l'homme n'aurait pas de problème sur la terre. Mais ce n'est pas le cas. Parce que il n'a pas eu la force, l'intelligence, de regarder tous les mots, et les plus grands mots, les mots qui font partie du sacré, les regarder à la loupe pour voir l'illusion dans l'étincelle. Si l'homme ne voit pas l'illusion dans l'étincelle, comment voulez-vous que l'homme en contrôle le feu? Parce qu'il dit, si vous ne contrôlez pas l'illusion dans l'étincelle, vous ne contrôlerez jamais le feu, parce que les mots n'auront jamais les ailes nécessaires pour créer, pour rendre libre, pour regarder le concept de Dieu, pour l'altérer, pour lui donner une autre dimensionnalité. Pour créer une autre équation universelle. Où l'homme égale énergie. Donc, si l'homme n'égale pas énergie, mais que l'homme égale Dieu plus forme plus énergie, à ce moment-là, l'équation est trop complexe. L'homme n'est pas libre. Il ne peut pas utiliser les mots avec des ailes. Il ne peut pas simplifier sa réalité. Il ne peut pas comprendre que le mental, c'est de l'énergie, l'astral, c'est de l'énergie, l'éthérique, c'est de l'énergie, et le physique, c'est de l'énergie, même si la science proclame que le physique, c'est de l'énergie. Parce que même si elle proclame que le physique, c'est de l'énergie, ses émotions, son mental, ne peuvent pas lui donner la conscience de la vibration. Et tant que l'homme n'aura pas la conscience de la vibration, il n'aura pas la conscience des mots, il n'aura pas le pouvoir de donner aux mots les ailes, et si l'homme ne donne pas aux mots le pouvoir des ailes, l'homme ne pourra pas laisser les mots créer. Il ne pourra pas laisser l'énergie créer. Et si l'homme ne laisse pas l'énergie créer, c'est lui qui créera, et sa création sera lourde, limitée, involutive, et elle fera partie de ce que j'appelle la mort des civilisations. Le cycle des civilisations. Le cycle des grandes vérités. Le cycle des grands mensonges. Le stalinisme, son effondrement. Les grands esprits européens comme Sartre et Gide qui se sont pliés devant la statue du stalinisme et qui ont été obligés plus tard dans leur vie renier à leur conviction première ces grands intellos de l'Europe. Parce qu'ils ne connaissaient pas les mots. La loi des mots. Les individus qui utiliseront le plus les mots sans elles, ou les peuples ou les groupes qui utiliseront le plus les mots sans elles, seront les plus dangereux sur la Terre. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire des démagogueries. Si vous ne pouvez pas arrêter instantanément un mot qui vient vers votre esprit et que vous n'êtes pas capable de l'arrêter, c'est parce que vous êtes magnétisé par le mot. Vous n'avez aucune puissance créative. Et on vous influencera et on vous dominera. Et des hommes qui ont grand accès, grande volubilité, grande capacité d'utiliser les mots feront de vous des esclaves. C'est l'histoire de l'évolution. Quand un mot vient vers l'esprit de l'homme, l'homme doit être capable de sentir s'il y a une vibration ou s'il n'y en a pas. S'il est juste le mot ou s'il est simplement une forme. S'il envoûte l'ego, s'il paralyse l'ego, s'il crée la crainte dans l'ego ou s'il est simplement lumière pour libérer l'ego. Donc, les hommes reconnaîtront les hommes à cette nuance. On ne peut pas mentir à l'homme conscient, parce que les mots, pour lui, doivent avoir des ailes. S'ils n'ont pas des ailes, ils sont lourds, et éventuellement, ils s'effondrent, ils descendent vers la terre. Les mots sont l'élixir de l'esprit et la damnation des âmes. Autant les mots ont empoisonné, autant ils libéreront. Mais ce sera long. Méfiez-vous de la poésie. La poésie, c'est la divinisation des mots. C'est la spiritualisation des idées. C'est la conscience astrale en puissance. C'est la beauté mise au service de l'orgueil. Pas pire, hein? Au service de l'orgueil. Méfiez-vous de la poésie, car elle sera utilisée contre la raison pour faire croire que l'homme est faux, alors que l'homme est essentiel, même avec ses péchés. Le respect, c'est l'amour de l'autre. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas du respect, c'est un jeu qu'on appelle le respect. Le respect, c'est l'amour de l'autre. Si vous aimez l'autre, c'est le respect. Le respect, c'est l'amour mental. Le respect, c'est l'amour du mental. Quand vous aimez au niveau du mental, c'est le respect de l'autre. Les mots, c'est la quintessence de ce qui doit être dit, mais non pas de ce qui a été dit. C'est la quintessence de ce qui doit être dit, et non pas de ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est de la mémoire. Ça ne fait plus partie des mots ailés. Parce que le mot, quand il a des ailes, n'appartient plus à la mémoire. Celui qui le dit ne s'en rappelle plus, il n'a plus besoin de s'en rappeler, parce que ça ne lui appartient plus. Il est lancé dans la conscience océanique de l'homme, le mot. Donc, je ne sais pas ce qu'il disait ici, là, mais c'est... Et c'est ça qui permet à l'homme de construire le pont. Si vous utilisez les mots pour vous convaincre ou convaincre les autres, vous leur enlevez les ailes. Aucun homme doit être convaincu par un autre. Les hommes doivent être éclairés seulement et à condition de les rendre libres. Le reste, c'est l'évolution. Le reste, c'est la philosophie, ce sont les religions. Ça ne fait pas partie de la conscience supérieure de l'homme. Quand vous parlez, prenez conscience un petit peu que quelqu'un parle à travers vous. Si vous n'avez pas conscience que quelqu'un parle à travers vous, c'est vous, votre lourdeur qui parlez. Vos mots n'ont pas d'aile. L'intelligence créative commence où l'intelligence de l'ego cesse. Le pont commence où les mots ont des ailes. Ça se sent quand les mots ont des ailes. parce qu'on sent qu'ils ne nous appartiennent pas. Là, l'homme devient libre. L'homme peut créer de nouvelles architectures. L'homme peut regarder où il veut dans la structure cosmologique universelle, dans le système. Il peut regarder la vie, la mort, les entités, l'astral, les éternels, le concept de Dieu. Il peut regarder et investiguer tout parce qu'il n'a plus rien à prouver, parce qu'il n'a plus besoin de rien savoir, parce qu'il fait partie de la vibration des mots qui ont des ailes. Il n'a plus besoin de savoir. Il n'a plus besoin de curiosité. Il n'a plus besoin de convaincre. Très dangereux, convaincre. Les hommes qui ne se sont pas libérés de l'art de convaincre sont encore très loin d'eux-mêmes. Vous vivez un temps dans le monde où l'art de convaincre devient très populaire. Faites attention. Je suis fatigué. J'ai-tu fini? Pas fini? Question? Pas de question? Continue. C'est intéressant ce qu'ils disent. Ils disent que l'homme aura la soif des mots dans l'évolution, mais la soif des mots ne servira pas à soulager son âme. Elle servira à élever son esprit. Grosse différence. Faites attention à la poésie des mots. C'est à travers la poésie des mots que l'on charme l'ego. Que l'astral charme l'ego. Dans la science de l'âme, il n'y a pas de poésie. Il y a seulement la froide intelligence sans émotion. Les religions ont utilisé la poésie pour adoucir les mœurs. La conscience utilisera les mots sans poésie pour élever l'esprit de l'homme, le rendre libre. Ils disent, pour être grand poète, il faut être très naïf. disent être naïf, c'est la difficulté qu'a l'homme de faire face à Dieu, de le regarder et de changer l'impression qu'il a de lui, la conception qu'il a de lui, l'architecture qu'il devrait avoir, et non pas l'architecture qui nous a été imposée. Je vous donne ça en par tranche, là, parce que ça va trop vite. Même moi, j'ai dit. Nous n'avons pas d'objection à votre interprétation de l'unité systémique, de l'unité systémique. Mais nous avons objection à votre façon de la décrire. Parce que vous n'avez pas la science des âges. Vous avez seulement la science de vos émotions et de vos perceptions matérielles. Si vous aviez la science des âges dans votre corps matériel, vous ne pourriez pas vivre sur la Terre. Vous seriez obligé de mourir pour vous libérer ailleurs. Donc l'homme est très vaniteux, très orgueilleux dans sa spiritualité involutive lorsqu'il proclame le mot de Dieu comme si ce mot était la finalité de sa conception unitaire de l'univers local. Donc, même dans votre grande spiritualité, vous avez de l'orgueil. Et il dit, mais vous êtes protégé du néantisme crépusculaire d'une conscience incapable de saisir le fond de la vie. Tout ce qui est religieux, c'est une astralisation de la conscience de l'homme. Si vous saviez scientifiquement ce que veut dire Dieu dans votre conception, vous n'auriez plus de goût de vivre. Tant l'infinitisation de la conscience universelle serait vaste. Les religions protègent l'homme, mais le gardent ignorant. Donc, que vous soyez ignorant, ce n'est pas un problème. Mais ne vous avancez pas comme des sages. Quoi? La règle numéro un. Pas croire, c'est un état mental. Le pas croire que je parle, dont je parle, c'est un état mental. Si vous me dites quelque chose et que je ne le sais pas comme vous le dites, je ne peux pas me permettre de croire. Si vous me dites quelque chose et que je le sais comme vous le dites, je le sais comme vous le dites. Nous le savons ensemble. Il n'y a plus besoin de croire. C'est universel l'intelligence. Ça appartient à tous les hommes, l'intelligence. Mais tous les hommes ne l'utilisent pas. Parce que les mots qu'ils utilisent n'ont pas tous des ailes. je veux vous convaincre. À partir du moment où je veux vous convaincre, je vous domine. Même si vous ne le voyez pas, je vous domine. Si je vous convainc. Parce que quand je vous parle, ou que vous me parlez, je dois ou vous devez regarder si les mots ont des ailes. S'ils n'ont pas d'ailes, je peux fracasser la forme et vous amener plus loin, si vous voulez venir, mais pas vous convaincre. Convaincre, c'est le domaine des religions. Ça l'a servi ce que ça l'a servi. Ça a été nécessaire pendant l'évolution. Dans l'évolution, ce sera fini. L'homme ne pourra pas croire. Quand on vous enlèvera la faculté de croire, vous ne pourrez plus croire. Ce sera pour le reste de l'humanité, mais ce ne sera pas pour vous en tant qu'individu. Pourquoi ça va trop vite? Quoi va trop vite? Qu'est-ce qui va trop vite? Oh, parce que des fois, quand tu me parles, il va trop vite. Fait que... Mon contact. Oui? Une des erreurs dans la création, c'est le fait que les esprits de la forme qui ont créé l'âme ne savaient pas que l'âme était capable d'auto-correction. Comme ils ne savaient pas que l'âme était capable d'auto-correction, était incapable d'auto-correction, l'âme s'est incarnée, ça a pris des millions d'années, l'homme s'est développé, l'homme a développé un ego, la civilisation s'est développée, le contact entre l'homme et les plans s'est éliminé avec le temps, et l'âme incarnée avec le temps a dû mourir, parce que les ans étaient devenus trop physicalisés, et pour que l'homme reprenne contact avec la source, ce que j'appelle l'évolution, il faudra que tout ce qui a été fait soit défait. Donc, avec le fait que l'homme, aujourd'hui, qui prend conscience, réalise, lorsqu'il est en contact avec le plan mental, que la pensée vient d'ailleurs, déjà, ça commence à défaire les fondations psychologiques de l'ego de l'évolution. Et c'est comme ça que l'homme va retourner à la source. Mais c'était une erreur dans ce sens que c'était une erreur. La science n'était pas parfaite. La compréhension n'était pas parfaite. Les esprits de la forme. Ouais. La dualité s'est faite au fur et à mesure où les âmes sont descendues dans des plans plus denses. Et plus l'âme descendait vers le plan matériel, plus la dualité s'est exercée parce que, à partir du moment où l'âme devenait incarnée dans la matière, la relation entre l'âme et l'esprit devenait sévérée par le fait que les âmes étaient coupées de leur source, de leur point d'origine. Et c'est ça qui a créé la dualité, parce que la dualité, c'est l'incapacité de comprendre la totalité d'un plan. Donc, quand un âme ou un homme n'est pas capable de comprendre la totalité de son plan de vie, ou des autres plans de vie qui font partie, par extension, de sa multidimensionnalité, la dualité existe parce que elle révèle chez l'homme une facette de l'incompréhension de sa conscience, autrement dit, elle révèle chez l'homme un aspect de ses propres ténèbres, ces ténèbres étant l'expression sur le plan matériel de son ignorance qui résulte du fait que les mots, donc que la conscience, n'a pas d'aile, c'est-à-dire que l'homme n'est pas capable de construire son propre pont vers sa propre infinité pour comprendre, parler avec, discuter des architectures qui font partie du système universel local. Et c'est ça qui crée la dualité, parce que dans le fond, la dualité n'existe pas. Elle n'existe pas en tant que forme morale. Elle existe simplement en tant que tension magnétique dans l'univers au niveau des atomes et de la conscience matérielle. C'est la résultante de l'erreur, exactement. Est-ce qu'il y aurait de l'intentionnalité à l'origine? Non, c'est une erreur scientifique. Le résultat de tout ça, où l'homme va revenir... Une âme à son point d'origine. À son point d'origine, c'est très simple. C'est très nucléaire. Mais avec l'évolution, ça devient très complexe. Il se développe des spirilles autour de l'âme. Et ces spirilles-là, avec le temps, plus une âme est évoluée, plus elle a de spirilles d'énergie. Mais au début, quand l'âme a été créée par les esprits de la forme, les spirilles d'énergie n'existaient pas. Donc, les esprits de la forme ne pouvaient pas évaluer la progression intemporelle ou temporelle de l'âme. C'est seulement quand l'âme a été incarnée, qu'elle est descendue dans la matière, qu'elle a fait son évolution, que là, ils ont été capables de mesurer et d'évaluer son évolution temporelle. Et c'est là qu'ils ont vu, qu'ils ont réalisé que l'âme n'était pas capable de s'auto-corriger. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à envoyer sur la terre des initiés. Les initiés, plus ou moins connectés avec ces plans-là, pour pouvoir donner à l'homme des directions d'évolution basées sur des sciences, souvent très primitives, mais très utiles au perfectionnement des mœurs dans des systèmes ou des sociétés très, très tribales. Et ça l'a mené jusqu'à nos jours, ça a été utile, ça l'a servi, mais éventuellement, l'homme devra se libérer complètement de ses anciennes programmations pour en arriver à retourner à sa source, mais il va le faire seulement le jour où il va prendre conscience que la pensée vient d'ailleurs. Tout le contexte vibratoire de la conscience de l'homme est basé sur ce principe-là. Et ce principe-là, il est totalement occulte, dans ce sens qu'il n'est pas sujet à l'analyse. Il ne peut que faire partie de l'expérience vibratoire de l'homme en évolution. Et les hommes qui seront très évolués, plus évolués, pourront accéder plus facilement à cette conscience, parce qu'il y aura moins d'obstacles psychologiques faisant partie de la conscience de l'ego, donc de la mémoire de la race. C'est la mémoire de la race qui empêche l'homme de retourner à sa source. C'est la mémoire de la race qui ramène l'homme au plan astral. C'est la mémoire de la race qui reconstruit constamment les réserves de ce que les psychologues freudiens appellent l'inconscient collectif. Mais l'homme conscient sera libre de ceci parce qu'il aura finalement réalisé que la domination des mots, donc la domination des pensées, fait partie de la caractérisation de son modèle d'évolution évolutive. C'est normal. Mais dans l'évolution, ce sera renversé, et ce renversement-là se fera au niveau de l'échelle individuelle, ça ne se fera pas au niveau de l'échelle collective. Les hommes ou la société ou les civilisations ne le verront jamais en tant que phénomène social, mais il fera partie définitive de la conscience individualisée. L'homme, il y aura compensation en conscience moronsienne. Parce qu'une fois que l'homme sera en conscience moronsienne, l'homme pourra travailler avec les esprits de la forme. Et lorsqu'il travaillera avec les esprits de la forme en conscience moronsienne, ces esprits-là se révéleront à lui sur sa longueur d'onde. C'est à ce moment-là que l'homme découvrira que l'univers est extrêmement organisé, très politisé, très structuré, qu'il y a des hiérarchies et qu'il y a des intelligences, des entités extrêmement évoluées et que la science des mondes est très vaste et qu'elle dépasse notre science matérielle de plusieurs centaines de milliers d'années. Bye.